On nous dit, on nous parle en parlant de démocratie, comme on nous a parlé en parlant d'économie, comme si les peuples africains naissaient aujourd'hui. Mais les peuples africains ont toujours existé. Ils ont été transformés par le système colonial. D'ailleurs, il faut voir la part de ce système colonial dans la chute et dans l'effacement de la démocratie. Nos rois, nos chefs coutumiers, nos chefs de tribu, eh bien, ils avaient le sens de la démocratie, c'est-à-dire protéger tout le monde, protéger sous ses sujets, et mettre en place un processus consensuel. C'est ça la démocratie. Là, nous sommes d'accord avec ce qu'ils nous disent. Il faut un système démocratique plus profond. Mais la démocratie n'est pas une transposition. Et c'est là, justement, où nous ne sommes pas d'accord. En tout cas, le Rwanda pense que la démocratie n'est pas quelque chose d'exportable. Et pour conclure ce florilège de réactions, celle du roi du Maroc, Hassan II.